إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد بفضل الله تعالى كملنا سلسلتنا في كتب التوحيد ce qu'on a pu prendre par les كتب de Cheikh Mohammed ابن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى ومن غيره dans les كتب liées au توحيد et à compter de ce jour on va يعني بعون الله rentrer dans ce qui est plus large et plus vaste c'est-à-dire dans la aqida car la aqida est un sujet domaine plus vaste que le tawhid. Le tawhid dans la aqida, mais la aqida est plus vaste car elle touche à d'autres choses. Elle touche au droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, à son essence, à ses asma, à sa sifat et également aux choses de l'invisible qui ont lieu après la mort et aux mu'amalat que le muslim doit avoir par rapport au gouverneur, par rapport aux sahaba, par rapport aux gens de la bid'a et réel et zalika. Naam. يعني قررنا أن نبدأ بكتاب الكتاب ده الشيخ العثيمين المسمى بتقريب التدمرية تقريب التدمرية كي هو عالتي تاليف ده الشيخ الإسلام ابن تيمية et que الشيخ العثيمين a réordonné, reclassé, enlevé certaines parties, rajouté certaines, mais le os c'est un livre de كتاب الشيخ الإسلام comme cela va être expliqué dans la Muqaddima. Et c'est un kitab Mufidjid, Mukhtasar, avec des Masail Muhimma à connaître. Comme à mon habitude, il se peut que parfois certains passages soient directement traduits et résumés pour essayer d'écouter le dias le plus possible. À un Mshay, que même si c'est résumé ou quoi, ça restera le os, le kelem du Mouallif. D'accord ? Naam. Donc on va essayer de lire le plus possible, car le kitab en lui-même, il est Wadih. Et خفف les تعليقات. Ça va surtout être de la lecture. Et après, on lit, on traduit le ma'ana, on lit, on traduit le ma'ana. Et s'il y a un tambih à faire, on le fait, on réalise les cas. Taïeb ? Naam. Donc il va commencer par la Muqaddima. La Muqaddima, c'est... Yani, il n'apparaît pas, mais je pense que c'est celle de Shir Ibn al-Uthaymin. Rahmanallahu ta'ala. Après qu'il ait fait Khulbat al-Haja, qu'il ait fait l'éloge d'Allah et son sana, غير ذلك, قال أما بعد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين للناس ما نزل إليهم من ربهم بيانا كاملا شاملا في دقيق أمورهم وجليلها وظاهرها وخفية. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم est venu pour démontrer aux gens ce qui est descendu sur eux de leur Seigneur. Et il éclaire cela de façon claire et complète. Dans les choses minimes, dans les choses claires, les choses apparentes et les choses cachées. حتى علمهم ما يحتاجون إليه في ماكلهم ومشاربهم ومناكحهم وملابسهم ومساكنهم. Qui leur a même enseigné ce dont ils ont besoin dans leur nourriture, dans leur boisson, dans leur mariage, dans leurs vêtements et dans leur foyer. فعلمهم آداب الأكل والشرب والتخلي منهما وآداب النكاح واللباس ودخول المنزل والخروج منه. Il leur a appris également les comportements à avoir lors du manger et du boire, comment lors des besoins, lorsqu'on a compris les besoins, hein, les comportements à avoir dans la vie de couple, les vêtements, comment entrer dans la maison et comment en sortir. كما علمهم ما يحتاجون إليه في عبادة الله عز وجل كالطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج وغير ذلك. Tout comme il leur enseigne également ce dont ils ont besoin dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme la purification, comme la salat, comme la zakat, comme le saum et le hajj et autres. وما يحتاجون إليه من معاملات الخلق من بر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الصحبة والجوار وغير ذلك. Également ce dont ils ont besoin de connaître de leurs échanges avec la création, avec la créature, entre autres l'obéissance aux parents, les liens, entretenir les liens de parenté, la bonne compagnie à leur apporter et le bon voisinage. طيب le bon voisinage. وعلمهم كيف يتعاملون بينهم في بيع في بيع والشراء ورهن والارتهان والتأجير واستئجار والهبة والاتهاب وغير ذلك. Tout comme il leur a appris comment se comporter entre eux lors des négoces, des achats, des choses données en gage, des locations et réels adécas. Tout ce qui a lieu au tijara. Hatta qala Abu Dhar radiallahu anhu, laqad tuwfiya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, wa ma ta'irun yukallibu janahayhi fi samai illa zakirana. Qu'il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Dhar, il a dit radiallahu anhu, que le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est mort et qu'il n'y avait même pas un oiseau qui vole dans le ciel sans qu'il nous en ait cité de la science. Un savoir attiré même de cet oiseau qui vole dans le ciel. Au Sahih Muslim, an Salman radiallahu anhu, annahu qila lahu, qad allamakum nabiyukum kulla shay'in hatta al-khara. قال أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول وذكر تمام الحديث dans le Sahih de Muslim selon Salman رضي الله عنه qui lui a été dit, je crois que c'est un juif qui lui a dit cela, que votre messager vous a tout enseigné même comment faire les besoins. Il a dit en effet, Salman il a dit en effet, il nous a interdit de faire face à la Qibla lors des besoins grands ou petits. Puis cita la fin du hadith. هذا فضلا عن أسس هذه العبادات والأخلاق والمعاملات وهو ما يعتقده العباد في إلههم ومعبودهم في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعالهم. Donc que dire alors, طيب, des fondations de ces adorations et de ces comportements et ces échanges et de ce que les serviteurs ont comme croyance par rapport à leur divinité, par rapport à leur adorer, dans son essence, dans ses noms, dans ses sifat et dans ses actes. وما ينشأ عن ذلك من أحكامه الكونية والشرعية مبنية على بالي الحكمة وغاية الرحمة فأخذ عنه ذلك الصحابة معينا صافيا نقيا مبنيا على التوحيد الكامل المتضمن لركنين الأساسيين نفي وإثبات. Donc c'est-à-dire maintenant tout ce qui en provient, c'est-à-dire dans cet erticode, tout ce qui en provient comme règle liée à la création ou liée à la législation qui elle-même est bâtie sur une sagesse extrême et pure et une miséricorde totale. Donc les Sahaba, ils ont appris cela du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. De façon claire. D'accord ? Tout cela bâti sur le tawhid complet, celui qui comprend deux piliers fondateurs qui sont la négation et l'affirmation. Al-Nafi wa al-Ithbat. Fa'amma al-Ithbat, fa'huwa Ithbat ma yajibu lillahi ta'ala min rububiyyah wal-uluhiyyah wal-asma'i wa-sifati wal-af'al. Donc l'ithbat, l'affirmation, c'est le fait d'affirmer ce qui doit être rendu à Allah comme seigneurie, comme divinité, et dans ses noms et attributs et dans ses actes. On affirme cela. وَأَمَّا النَّفِي فَهُوَ نَفِي مُشَارَكَةِ غَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى فِيمَا يَجِيبُ لَهُ. Et la négation, c'est le fait de renier et de refuser toute association dans le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce qui lui revient à lui seul. Donc on affirme ce qui revient à Allah subhanahu wa ta'ala et on refuse ce qui ne peut lui être attribué. Et principalement, mahu et shirk, l'association. وَمَضَى عَلَيْهِ التَّابِعُونَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ مِمَّا أَدْرَكُوا زَمَنَ السَّحَابَةِ أَوْ جَاءَ بَعْدَهُمْ مِنْ أَمَّةِ الْهُدَى الْمُسْتَحِقِّينَ لِرِضَاهَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ. Et également les tabi'un, ceux qui sont venus après les sahaba et qu'ils ont rencontrés, ont perduré sur cela, cette même croyance et ce même acheminement, de bonne façon. Et également parmi eux, les imams de la Houda qui méritent l'agrément d'Allah, subhanahu wa ta'ala. حيث يقول الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Il a dit, les précédents parmi les premiers des muhajirines et des ansars et ceux qu'ils ont suivis dans la bienfaisance, Allah les a agréés, ils agréent Allah, il leur a préparé des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux où ils y seront éternellement. Et telle est la grande victoire sur la Tauba, verset 110. On va essayer, Inch'Allah, souvent des gens nous demandent qu'on cite les versets. Car des fois, ça se trouve, ils veulent prendre le style l'aile pour une masala parler avec quelqu'un, et le verset, ça part où ce qu'il est. Donc, on va essayer de citer le verset. Des fois, il se peut que j'oublie. Des fois, il se peut que je m'en rappelle. Donc là, il te cite, quand même, ce que les sahaba ont pris du Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, et ce que les tabi'oun ont pris des sahaba. ثم خلف خروف عمروا عن عموا عن الحق وتعاموا عنه فضلوا وضلوا قصورا أو تقصيرا أو عدوانا وظلما. Et après eux sont venues des générations qui ont été aveuglées et sont de la vérité, ont refusé de la voir. Ils sont égarés, ont égaré les autres. Cela par négligence et animosité et injustice. فأحدثوا في دين الله تعالى ما ليس منه في العقيدة والعبادة والسلوك وحرفوا من أجل ذلك نصوص الكتاب والسنة أو كذبوها إن أمكنهم ذلك. Donc ils ont innové en religion, ce qui n'en fait pas partie, dans la aqida, la croyance, dans l'ibada, l'adoration, et dans la minhaj, dans la voie à suivre. Et ils ont été jusqu'à altérer les textes en vue d'arriver à cet objectif, les textes du kitab de la sunna. Et quand bien même s'ils le pouvaient, ils ont démenti ce qui leur était possible de démentir. Là, il va citer un calife de Cheikh l'Islam dans Majmou' al-Fatawa, où il fait un khulasa de tout cela. قال وعلم أن عامة البدع المتعلقة بالعلوم والعبادة إنما وقع في الأمة في أواخر في خلافة الخلفاء الراشدين كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال من يعيش منكم بعدي فصير اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. Donc il a dit que là, l'ensemble des bid'a qui sont liés aux sciences et aux adorations sont tombés dans cette umma à la fin du califat des quatre khulafa rachidin, qui sont Abu Bakr et Omar et Othman et Ali radiallahu anhum, comme l'a informé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit dans le hadith, et celui qui vivra après d'entre vous après moi verra beaucoup de divergences, il verra beaucoup de divergences. Alors accrochez-vous à ma sunnah et la sunnah des khulafa, c'est-à-dire la sunnah de ces quatre califs bien guidés. إلى أن قال فلما ذهبت دولة الخلفاء الراشدين وصار ملكا ظهر النقص في الأمراء فلابد أن يظهر أيضا في أهل العلم والدين. Donc après il a dit, il saute un passage et cita, et lorsque justement l'autorité, le gouvernement justement de ces khulafa s'est terminé, sont apparus des rois dans lesquels sont venus des rois dans lesquels sont apparus justement un manque dans les gouverneurs, et ce manque dans les gouverneurs, il en a découlé également et inévitablement un manque dans les gens de science. D'accord, chez les gens de science également. فَحَدَثَ فِي أَخِرْ خِلَافَةَ عَلِي رَضِي اللَّهُ عَنْهُ بِدْعَاتَ الْخَوَارِجِ وَالْرَافِضَةِ إِذْ هِيَ مُتَعَلَّقَةٌ بِالْإِمَامَةِ وَالْخِلَافَةِ وَتُوبِعَ ذَلِكَ مِنِ الْأَعْمَالِ وَالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ. Donc il dit que après le le khilafa de Ali radiallahu anhu, sont apparues deux grandes bid'a qui sont celles des khawarij et celles des rafida, car elles-mêmes sont liées à quoi? Au khilafa à la base, car les khawarij sont sortis contre le gouverneur, contre Ali radiallahu anhu, et les rafida eux ont renié le khilafa de qui? Des khulafa rachidin à part celui de Ali. Ils ont renié Abu Bakr, ils ont renié Omar, ils ont renié Othman. Donc là, il va te faire une forme de chronologie de l'entrée des bid'a principales. De là, s'en est suivi quoi? S'en est suivi quoi? Des œuvres et des règles shari'a. C'est-à-dire que pour faire face à ces gens de la bid'a, tu seras contraint d'agir de certaines façons pour ne pas laisser lancer leurs innovations au sein de la umma. ثم قال شيخ الإسلام toujours وكان ملك معاوية ملكا ورحمة فلما après est venu justement le royaume de Muawiya qui est venu après qui était lui plein de rahma فلما ذهب وجاءت إمارة يزيد وجرت فيها فتنة قتل الحسين بالعراق وفتنة آل الحراء بالمدينة وحصلوا مكة فلما قام عبد الله بن زبير donc après il y a eu celle de son fils Yazid dans lesquels il y a eu la fitna du meurtre de Hussein en Irak et la fitna des gens de Harra et le Médina et qu'ils ont assiégé Mekka lorsque Abdullah ibn Zubay s'y est installé. ثم مات يزيد وتفرقت الأمة. Après Yazid il est mort et la communauté s'est dispersée. Ibn Zubayr bil Hijaz. Ibn Zubayr est parti au Hijaz. وبنو الحكم بالشام. Ben nous hakim sont partis dans le Shem. Le Shem, c'est tout ce qui est la grande Syrie, ce qui est les alentours. Palestine, Wakaza, Wakaza. Wafabun al-Mukhtar ibn Abi Ubaid, wa ghayruhu bil-Iraq, wa zalika fi awakhir asr al-Sahaba. Et d'autres, également, eux sont installés en Irak, et cela s'est passé quand? À la fin du temps des Sahaba. Donc, quand baqiya fihim, misl Abdillah ibn Abbas, wa Abdillah ibn Omar, wa Jabir ibn Abdillah, wa Abi Sa'id al-Khudri, wa ghayrihim. Et il restait en leur sein encore des sahaba comme Abdullah ibn Abbas, ibn Omar, et Jabir ibn Abdillah, et Abu Sa'id al-Khudri et autres, qui étaient parmi les grands sahaba. Hadathat bid'at al-Qadariya wal-Murji'a, faraddaha baqiya al-Sahaba. Puis est apparue la bid'a des Murji'a et des Qadariya, et que les sahaba, ceux qui restaient encore vivants, l'ont réfuté. مع ما كانوا يردونه هم وغيرهم من بدعة الخوارج والروافد tout en sachant qu'ils également ils refusaient et réfutaient la bid'a des khawarij et des rawafid eux et autres que eux وعامت مكانة القدرية إذ ذاك يتكلمون فيه أعمال العباد كما يتكلم فيها المرجئة donc là les qadariyas à cette époque là comme les Murji'a, la principale chose sur laquelle ils parlaient, c'était ce qui touchait aux actes des serviteurs. D'accord? Les actes des serviteurs. فَصَارَ كَلَامُهُمْ فِي الطَّاعَةِ وَالْمَعْصِيَةِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْفَاسِقِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ مَسَائِلِ الْأَسْمَاءِ وَالْأَحْكَامِ وَالْوَعْدِ وَالْوَعِيدِ C'est-à-dire que leurs paroles étaient principalement basées sur l'obéissance, la désobéissance, sur qui est le croyant, qui est le pervers, et autres, et dans les règles, et ce qui touche aux menaces et aux châtiments. Fakat. وَلَمْ يَتَكَلَّمُوا بَعْضُ فِي رَبِّهِمْ وَلَا فِي صِفَاتِهِ وَلَا فِي أَوَاخِرْ عَصْ صِغَارِ التَّابِعِينَ et qu'eux ne parlaient pas encore à cette époque-là, ce qui touchait à quoi? À Allah SWT, en ses noms et attributs. Et cela jusqu'à quand? Jusqu'à la fin du temps des petits tabi'ines. C'était juste ce qui touchait aux ibad. Ils ne parlaient pas encore du Rab Azza wa Jal. من حين أواخر الدولة الأموية حين شرع القرن الثالث تابع تابعين ينقرض أكثرهم. Et à la fin justement de la Dola Umayya, lorsque le troisième siècle est apparu, qui était le siècle de qui? À la base des Atba' Tabi'in. Et à cette fin-là, la plupart d'entre eux commencent à périr. C'est-à-dire la troisième génération. Première génération, Sahaba. Deuxième, Tabi'un. Troisième, Atba' et Tabi'in. Fa'inna l'irtibar bil-kuroun al-thalathati bi-jumhur al-kurn wa wasatuhum. Wa jumhur al-sahaba inqaradu bi-inqirad khilafat al-khurafa al-arba'a. Donc justement, les Atba' et Tabi'in ont commencé à périr, eux, à la fin du troisième siècle, alors que les Sahaba ont commencé à périr quand? À la fin du khilafa de Ali. Ils ont commencé au fur et à mesure à ne plus rester le Sahaba. Radiallahu anhum. حتى انه لم يكن باقيا من اهل البدر الا نفر قليل حتى البوك على فين استي من قبل جون دو بدر كبتي جروب وجمهور التابعين باحسان انقرضوا في اواخر العصر الصغير الصحابه في امارات ابن الزبير وعبد الملك et que la plupart des tabi'in eux ont commencé à disparaître à la fin du temps des petits sahaba lors du commandement d'Ibn Zubayr et d'Abd al-Malik wa jumhur tabi'i tabi'in fi awakhir ad-dawla al-umawiyya wa awa'il ad-dawla al-abbasiyya et l'ensemble des tabi'in ou plutôt des adba' tabi'in troisième génération ont commencé à périr à la fin du gouvernement Umayya et du début du gouvernement de l'Abbasiyya. Wa sara fi ulati al-umur kathir min al-a'ajim wa kharaja kathir min umur an walayat al-arab. Et là justement les gouverneurs commençaient à apparaître parmi les non-arabes. Les non-arabes ont commencé à prendre le pouvoir. Au début avant cela c'était que les arabes. Après quand l'islam s'est propagé et les frontières ont été ouvertes, des non-arabes ont commencé à prendre le pouvoir. وخرج كثير من الأمور عن ولايات العرب وهربت بعض الكتب العجمية من كتب الفرس والهند والروم وظهر ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ثم يفشو الكذب حتى يشهد الرجل ولا يستشهد ويحلف ويستحلف. Donc ensuite même que certains livres étrangers ont été traduits en langue arabe. Parmi les livres, Mathalène, des Perses et des gens de l'Inde, des gens de Rome. Et que là commençait à apparaître ce qu'a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite apparaîtra le mensonge à tel point que l'homme témoignera sans qu'on lui demande de témoigner et qu'il jurera sans qu'on lui demande de jurer. قال حدث ثلاث اشياء الري والكلام والتسوف وحدث التهجم وهو نفي الصفات وإزاؤه التمثيل. Ensuite sont apparues trois choses principales. L'opinion, c'est-à-dire baser les avis juridiques sur la réflexion et non pas sur les textes. Le kalam, c'est-à-dire ce qui est philosophie. D'accord ? Tasawuf, le soufisme, ma'rouf. Et également, il y a eu lieu et tahajjum. C'est-à-dire, tahajjum, ça va venir, c'est ce qui est lié au jahmiya, qui est le fait de renier les sifat d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et par la suite est venu quoi ? Le tamthil, ce qu'on appellerait l'anthropomorphisme. C'est le fait de comparer Allah à sa création. Faire ressembler Allah à sa création. Ou ça peut être le contraire. Il en qual, il saute un passage de Cheikh l'Islam, il dit فإن معرفة أصول الأشياء ومبادئها ومعرفة الدين وأصله وأصل ما تولد فيه من أعظم العلوم نفعة إذ المرء ما لم يحط علما بحقائق الأشياء التي يحتاج إليها يبقى في قلبه حسكة. Après il a dit que le fait de connaître le début des choses, les choses depuis leur début, depuis leur origine, c'est une chose qui est primordiale pour la personne. D'accord ? Car la personne, si elle ne sait pas d'où proviennent les choses, quand même, lorsqu'elle apprendra, il restera toujours une épine dans son cœur. Alors que si elle connaît les choses depuis leurs racines, cela sera plus facile à assimiler et à cerner. Donc là, le but de cette moukade d'Ima, c'est de citer comment sont apparues cette bida au fur et à mesure. Et là, c'est dit de façon résumée. Après, il y a des kutub mutawwalat qui ont été écrits sur le sujet, bien évidemment. Non. Après, c'est une parole de Bilkayim qui va dans le même sens. Dans le même sens, on ne va pas la lire, mais c'est la même chose que le kalem de Cheikh al-Islam. Il cite un kalem de Ibn Hajar, Kazalik, dans le char de Bukhari. Tout cela se suit. C'est lié au kalem de Cheikh al-Islam. Zakara kalaman li l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, fi khutbat kitab Ar-Rad al-Jahmiyya. Un kalem de l'imam Ahmed dans son Rad al-Jahmiyya. Dans lequel il dit « Alhamdulillah, il l'a dit, j'ai à la fi kouli zaman, فطرة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى. Louange à Allah, celui qui a fait qu'il reste en tout temps des gens sur les traces, des messagers parmi les gens de science, pour appeler les gens qui sont égarés de la guider. وَيَصْبِرُونَ مِنْهُمْ عَلَى الْهَدَى. Et qu'ils patientent sur, justement, ce qui en découle comme représailles. وَيُحَوْنَ بِكِتَابِ اللَّهِ الْمَوْتَى. Il faut revivre avec le livre d'Allah les morts. Quand on dit les morts, c'est-à-dire les gens dont le cœur est mort, bien évidemment. وَيُبَصِّرُونَ بِنُورِ اللَّهِ عَلَى الْعُمَى. Et qu'ils donnent la vue aux gens aveuglés. فَكَمْ مِنْ قَتِلِ إِبْلِسِ قَدْ أَحْيَوْا. Combien de gens que Iblis a tués, ces gens-là leur ont donné la vie. C'est-à-dire, Iblis les a égarés par la mécréance ou la bid'a, et ces gens de science les ont remis sur la voie droite. بِذْنِ ta'ala. وَكَمْ مِنْ ضَلِّنْ تَائِهِنْ هَدُوْ. Combien d'égarés ont-ils remis sur la voie droite ? فَمَا أَحْسَنَ أَثَرُهُمْ عَلَى النَّاسِ. Que leur influence sur les gens était vraiment bonne. وَمَا أَقْبَحَ أَثَرَ النَّاسِ عَلَيْهِمْ. Par contre, l'influence des gens sur eux était vraiment mauvaise. يُنْفُونَ عَنْ كِتَابِ اللَّهِ تَحْرِيفَ الْغَالِّينَ. Que ces gens-là ont purifié le livre d'Allah, justement, des altérations des gens exagérateurs. وَإِنْتِحَالَ الْمُبْتِلِينَ. وَتَأْوِيلَ الْجَاهِلِينَ الَّذِينَ عَقَدُوا أُلُوهِيَّةَ الْبِدْعَةِ. Alouiyatul bid'a, afwan. Alouiyatul bid'a, wa atlaku anan al-fitan. C'est-à-dire qu'ils ont combattu les gens du faux et ceux qui ont fait des fausses interprétations parmi les ignorants et qui, furent la cause, on va dire, de l'apparition des bid'a et des fitan. Fahum mukhtalifun fi kitabillah mukhalifun al-kitab. Eux divergent dans le livre et s'opposent au livre. مجمعون على مخالفة الكتاب. Par contre, ils sont unis sur une chose, s'opposer au livre. يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم. Ils parlent sur Allah et au nom d'Allah et sur le livre d'Allah sans science. يتكلمون بالمتشابه من الكلام. Ils viennent avec des choses équivoques dans les paroles qui mettent des choubouhettes aux gens. ويخدعون الجهال بما يشتهون عليهم بما يشبهون عليهم فنعوذ بالله من فتن المضلين. Et qu'ils trompent les gens, ou plutôt les ignorants, en leur apportant des ambiguïtés. Donc nous recherchons refuge auprès d'Allah des fitan, des égarés. وقال وكان من جملة من قيضهم الله تعالى لنصرة دينه وذب عنه باللسان والبنان والسنان شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية المولود في حيران يوم الاثنين العاشر من شهر ربيع الأول سنة إحدى وستين وستمية. Donc après, parmi ces gens-là, justement, que dont fait l'éloge l'imam Ahmed dans son Muqaddima, parmi eux, les gens que par qui Allah a sauvé cette religion, il y a Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah, qui s'appelle Abu al-Abbas Ahmed, son prénom c'est Ahmed, Ibn Abdul Halim, Ibn Abdul Salam, Ibn Taymiyyah. Et Taymiyyah, c'est une de ses arrière-grand-mères, qui est né à Hiran un lundi le 10 du mois de Rabi al-Awwal en 661 de l'année hijrienne. Al-Mutawaffa mahboussan zulman fi qil'at Dimashq laylat al-ithnayn al-muwafiq al-20 min shahr Dhil-Qa'da sanat 28 wa 700. Et qui décéda emprisonné injustement à Dimashq la nuit du lundi qui correspond au 20 du mois de Dhil-Qa'da en l'an 728 afin. Et il fut enterré au Zor et que la janaza ne put être terminée ce n'est qu'au Asr à cause du monde qu'il y avait, la grande foule qu'il y avait. Cheikh al-Islam était très connu. Il avait beaucoup de musannafat, entre certaines qui sont longues, certaines qui sont moyennes, d'autres qui sont courtes. Et parmi justement les rasaïl les plus profitables, celle-ci, qu'on a actuellement, qui est Tadmouriya. Donc il dit toujours, le mu'allif, que la parole de ce Tadmouriya, c'est que c'est un livre à la base qui contient des questions auxquelles a répondu Cheikh al-Islam au jour de Tadmour. Et Tadmour, c'est une ville qui est en Syrie. Donc Cheikh al-Uthaymin, il a vu qu'il fallait reclasser tout cela dans un ordre clair pour les gens. Il y a ajouté certains tafasil, enlever certaines choses ou résumer ce qui est arrivé à ce livre qu'on a actuellement dans les mains, qui est Taqlib al-Tadmuriyya. Donc le Asr, c'est un livre de Cheikh l'Islam. Et on finit par Bayan Sabab Ta'lif Hadi Risala, la cause pour laquelle cette Risala a été écrite. Qala. Là, c'est le kalam de Cheikh l'Islam, directement. Qala amma ba'd. فقد سألني من تعينت إجابتهم أن أكتب لهم مضموم ما سمعوه مني في بعض المجالس من كلام في التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر. Donc il a dit, certaines personnes qui m'ont interrogé, que je leur écrive, yani un résumé de ce qu'ils ont entendu de moi dans certaines assises comme parole à propos du tawhid, des attributs et de la législation et du qadar, du destin. Et après, il a vu qu'il était obligatoire pour lui de répondre à ces questions-là en disant par deux points. Le premier, Masis al-Haja et le Tarkik Hazen al-Aslain. L'ennaou la boudde an yakhtar ala al-kalb fi Hazen al-Aslain ma yakhtajou ma'ahou il bayen al-Huda min al-Zalal wal-Haq wal-Batil. Donc là, il a dit justement pourquoi c'est que les gens ont un grand besoin de pouvoir comprendre ces deux fondements. Et je pense que c'est le fondement dont il parle, c'est At-Tawhid et Ma Yatalaq Bil Qadar. C'est pas dit, c'est ça qui apparaît du kalam. Et à la base, le sujet du livre, c'est ça, de toute façon. وَثَانِي كَثَرَتْ اِتِّرَابَ أَقْوَالِ النَّاسِ فِيهِمَا وَالْخَوْضُ فِيهِمَا بِالْحَقِّ تَارَتْ وبالباطل تارات فيلتبس الحق بالباطل على كثير من الناس ومن ثم احتاج الى البيان. Et il a dit pourquoi, parce qu'il y a eu beaucoup de confusion dans ces deux sujets là car les gens en ont beaucoup parlé, yani de façon véridique et de façon fausse. Donc là, le faux et le vrai se sont mélangés, ce qui a porté les gens à tomber dans la confusion. Donc là, il y a besoin de faire un bayan clair dans ces deux bab là. Naam. Donc là, c'est la mukaddima qu'on a pris aujourd'hui par rapport à ça. طيب. Et بعد ذلك سنتخول في موضوع الكتاب بإذن الله تعالى. Donc ça, les deux modours, c'est التوحيد والصفات والشرع والقدر. التوحيد والصفات, à la base الصفات rentre dans le توحيد, et الشرع والقدر, c'est le fait comment lier entre la législation et le قدر, car beaucoup de gens dans le قدر sont كذلك, ils sont égarés. ضلوا وضلوا كثيرا. Voici les points principaux qui seront abordés dans ce livre. Al-Asma wa Sifat, les sectes, Rad al-Shubahihim, ils ont des Shubahs, il va y répondre. Et également, ceux qui renient le Qadar, comme on lit entre le Char et le Qadar. Naam. Tamam. Fayla huna. Wa alhamdulillah rabbil alamin.